Ce panneau est un signal d'obligation. Ici, la flèche indique la direction à suivre obligatoirement. Je n'ai donc pas la possibilité d'effectuer un changement de direction à cette intersection. Je dois continuer tout droit. Je ralentis avant de franchir l'intersection pour tenir compte du régime de priorité à droite. Réponse B.